Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Homer, l'œil de Homer. Un buste de Homer au musée du Louvre, peut-être une copie antique, dernière époque. Comparer et puis examiner les ressemblances. Ressemblances qui tiennent peut-être au hasard. Un modèle, une inspiration. C'était dans « Analyse spectrale de l'Occident », la Grèce, les arts plastiques et dramatiques, l'art grec est-il actuel, que Serge Jouet s'entretenait avec Alberto Giacometti. Première diffusion sur France 3 Nationale, le 12 avril 1958. Monsieur Alberto Giacometti, les figures qu'en peinture, en sculpture, vous dessinez ou que vous modelez, provoquent auprès de certains un étonnement qui ne nous paraît pas toujours justifié. Nous avons vu à l'exposition qui eut lieu il y a quelques années au Louvre, celle des Étrusques, des figures qui ressemblaient singulièrement aux vôtres. Et je me souviens, à Athènes même, dans le musée, avoir vu de ces silhouettes qui étaient plates et qui me paraissent établir, si vous voulez, pour commencer, un certain rapport avec vos préoccupations. Est-ce que ce que je viens de vous dire vous paraît exact en ce qui vous concerne? Ça, c'est difficile à répondre. Je ne connais pas la sculpture grecque dont vous parlez, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup la connaître. C'est une Athéna. Qui doivent s'approcher, donc, aux sculptures, certaines autres sculptures plates, que je connais très bien. Par contre, pour les Étrusques, je crois que c'est une ressemblance qui tient au hasard et pas à quelque chose qui va plus loin. Parce que les trois ou quatre sculptures étrusques qui étaient à l'exposition du Louvre, c'était les têtes étaient modelées rondes comme les sculptures classiques, comme les autres, non? Et les corps allongés. Mais je me demande si ces corps allongés n'étaient pas faits pour des motifs décoratifs ou si c'était pas des objets en réalité. C'était des objets. Des fait. Objets. Parce qu'il y avait à côté, il y avait des petites sculptures de tout à fait des proportions des Grecs archaïques, c'est pas, avec exactement les mêmes têtes que les figures allongées. En ce qui vous concerne, considérez-vous que c'est là une nécessité de votre part, une manière de voir qui vous est en quelque sorte imposée? Même pas, c'est pas tout à fait ça, c'est que jamais, volontairement, je ne voulais faire des sculptures allongées, ni minces. Ah ben c'est ça qui est... Je voulais faire, toujours, je veux continuer d'ailleurs, je veux le faire au plus proche possible de ce que je vois, tel que je le vois. En les voulant faire de cette manière-là, malgré moi, tout à fait malgré moi, elles devenaient allongées. Comme avant ça, elles devenaient minuscules. C'est pas... Mais... Elles ne devenaient vraies, jusqu'à une certaine époque, que minuscules. Elles ne devenaient un peu vraies pour moi qu'allongées. Et je me suis battu contre cet allongement pendant des années. Oui. Et dans quelle mesure peut-être l'art grec dont nous parlons peut-il vous être une aide ou un modèle, une inspiration? Dans l'art grec, comme dans tous les arts du passé, ce qui me frappe, ce qui m'arrête, c'est à chaque fois, évidemment, ce qui me semble le plus vrai par rapport à ma vision du monde extérieur. Et dans quelles œuvres les trouvez-vous alors? Et alors, pour me tenir au grec, il y a des œuvres qui vont des tout à fait première archaïque, jusqu'à tout à fait dernière, au Laocoon ou au gladiateur Farnèse, n'est-ce pas, qui est du 1er siècle avant Christ, enfin jusqu'aux dernières, dont à travers tout l'art grec, il y a des choses qui me touchent ou qui me passionnent à la même mesure. Ce qui me touche dans une tête de Cyclades, oui, qui me semble la tête auquel plate. On pense, évidemment. de Cyclades. Oui. Où il y a à peine indication de détails à première vue. Il y a juste le nez. Me semble une des têtes les plus ressemblantes réellement de ma vision d'une tête. C'est pas? Et dont elle me touche. Le fait qu'elle est, par exemple, aplatie, ça me fait voir, ou ça me fait comprendre moi-même un peu mieux ma vision de la réalité. Nous le comprenons fort bien en même temps que vous. Mais alors le Laocoon que vous avez cité... Le Laocoon, qui a tout à fait d'autres qualités, évidemment que la tête de Cyclades, me touche autant. À ce moment, je pourrais même dire que ça m'apporte avantage. Et parce que... Parce qu'il y a une espèce de... C'est assez compliqué à le dire. Une, celle de Cyclades, on a l'impression que c'est au plus proche de la vision immédiate, instinctive, l'extérieur. Il faut certainement le croire, puisque l'art a commencé ainsi. C'est senti comme ça n'est pas pensé ou reconstruit, c'est fait au plus proche de la vision. C'est pour ça que, par exemple, elle est forcément aplatie, parce qu'à une certaine dimension, on ne peut pas en même temps saisir le bout du nez et la nuque dans sa profondeur. Vous voyez la largeur de la figure et vous perdez la profondeur, ou le contraire. Et ça n'arrive pas seulement dans les sculptures grecques archaïques, ça arrive dans presque tous les arts. Les sculptures nègres. C'est une figure plate. Par contre, le Laocoon, le torse. Oui, alors là, nous sommes dans la troisième dimension. C'est le torse, surtout, qui me touche. L'ensemble, mais c'est surtout dans le torse où ça se passe. Là, de pouvoir saisir un volume, une telle dimension, dans un mouvement, dans l'espace, c'est pas, ça demande des connaissances énormes, des connaissances qui me dépassent beaucoup plus que la vision des archaïques, c'est pas? Oui, et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que nous, tant de personnes s'en sont éloignées. Oui, et ils se sont éloignés parce que ça nous est devenu tout à fait étranger, c'est pas? Peu à peu. Oui, mais c'est pour ça que j'étais tellement heureux de vous entendre dire. Le chef-d'œuvre, le grand chef-d'œuvre de l'art mondial. Aujourd'hui, le Laocoon qui était placé en haut de l'escalier, en face de la victoire de Samothrace, on le voyait très bien, on l'a détrôné, il est dans la salle en bas, enfin contre fenêtre, en pénitence. Où on le voit très mal, c'est pas, c'est le signe de toute l'époque. La désaffection. Oui. Mais ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne le regarde plus, ou on le considère comme ayant perdu son intérêt, qu'il l'a réellement perdu. Certes. Les qualités, les formidables qui sont dans ces sculptures, dans la manière même qu'on est plutôt attiré par des choses archaïques ou primitives, aujourd'hui, elles m'intéressent. Je ne dis pas qu'elles me plaisent davantage. Elles m'intéressent ou elles me troublent davantage. Mais parce que ces qualités, par exemple, il y a la structure qui vient de la profondeur dans le torse de Laocoon, n'est-ce pas? Oui. Tout vient de l'intérieur. C'est comme des boulets de nerfs. C'est fait de l'intérieur. Tout est en mouvement. C'est cela. Tout donne l'impression même. Un mouvement qui est cependant, qui nous paraît à nous quelquefois, sinon figé, du moins fixé. Ah non, je ne parle pas de l'imitation du mouvement. Je parle de... Oui, d'un mouvement, de ce mouvement intérieur. Un mouvement même d'une chose immobile. Qui crée l'immobilité. C'est cela. C'est comme des poussées de forme de l'intérieur vers l'extérieur. De force. Et qui devient de la force. Oui. Qui devient de la violence, d'une certaine manière. J'ai repassé toutes les sculptures grecques, à peu près, c'est pas. Et il m'aurait suffi de voir aujourd'hui et pour longtemps simplement l'œil, un œil du buste d'Homère, qui est probablement une sculpture tout à fait dernière époque, ou si ce n'est pas même une copie antique. Ce qu'on retrouve, ça m'a frappé aujourd'hui, la construction de l'œil d'Homère, c'est déjà la construction de toute la peinture byzantine. À travers une incursion dans le temps, nous avons saisi, je crois, mieux que de toute autre façon, le lien qui existe et que vous éprouvez si fort entre un art qui est représenté au Louvre et le vôtre. C'était un extrait d'Analyse spectrale de l'Occident, la Grèce, les arts plastiques et dramatiques. L'art grec est-il actuel ? Alberto Giacometti était au micro de Serge Jouet le 12 avril 1958 sur France 3 National. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».